lobola mpato ya zanga mokengeli ime lobola mbuma oye kweyi na nzembe Serge Antipo Simolembe notikima likombe papa lobola mpato ya zanga mokengeli ime lobola mbuma oye kweyi na nzembe mon amour sisi de mon panacé. Automobile à Brazzaville. Toi et moi main dans la main, quand t'es prévu en chemin, bolingo yo prometta qui n'a des années de bonheur en amour. Serge Bouya, la monité, Rokonze, la monité, Mama Yvette n'a pas commis de laisser, Armand Juana n'a pas connu ses kangaï. Nakomi malere mon présoé Nayoka Kajani Umberto Zaya Yoé na Paris Koko Chile a Venise na Sekri Bokuta na Naye Osolo na Pona Kalanga Christopher Ceris Devi l'espoir de demain Innocent Zaza na Espagne Poli Meloko Yakoba de la Maina Gera Gladys Anjou. Bazos Bazondila de la CI, Waché Hilaire Mestra, Maman Nativine, Dan Vétéran, Le Grand Mosindo. Ma préférée, Bobby de la Massa Simagno, Soka si présence, Karame Sananayo, Santoana Kokoufaye, La Vina Rana Maboko, Yabamounaye, Ataba Salinio Sose, Zero Eme Azali, Papaya. Satis Nanongo. Ta préférée, Obime la Massa Timanyo, Soka si présence, Karame Salanayo, Santoana Kokoufaye, La Vina Rana Maboko, Yabamounaye, Ataba Salinyo Sose, Zero Eme Azali, Papaya, Frank de Farel, Mouté Mamana de Gé, Anise Anita, Mouté Mamère Moumoué, Fondation Moumoué. Naïna, y'a ta maman, Chani. L'incomparable.